الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. نلوونج با ديو سينيور دي زونيفير. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs en islam, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du prophète, prière et salut sur lui, مع الدرس الواحد والعشرين, avec le cours numéro 21. منذ أن أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة, depuis que Dieu le Très-Haut a ordonné à son prophète Mohammed, prière et salut sur lui, la transmission du message, bada'a an-nabi alayhi salatu wa salam bid-da'wati sirriya. Le prophète, prière et salut sur lui, a commencé par l'appel secret, discrètement. Ila an-nas alladhina yathiqu bihim, envers les gens auxquels ou dans lesquels il a confiance. Que زوجته خديجة رضوان الله عليها, comme sa femme Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, ou Ali, ou Abu Bakr al-Siddiq رضوان الله عليهم إلى آخره, et comme Ali ou bien Abu Bakr, le vertueux, que Dieu soit satisfait d'eux, etc. وأخذ عدد المسلمين يزداد شيئا فشيئا, le nombre des musulmans a commencé à augmenter petit à petit. فلما كثر العدد, lorsque le nombre est devenu grand, اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه مركزا للدعوة ومقرا للتربية. À ce moment-là, le prophète, prière et salut sur lui, a pris la maison ou a fait de la maison de Al-Arqam, fils de Abu Al-Arqam, que Dieu soit satisfait de lui, un centre d'invitation à l'islam et un lieu d'éducation islamique. يَجْتَمِعُ فِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُسْلِمِينَ سِرًّا. Dans cette maison, le prophète, prière et salut sur lui, se réunissait discrètement avec les musulmans. فَيَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ, il récitait devant eux ou pour eux les versets coraniques. يُزَكِّيهِمْ, il les purifiait. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, et il leur enseignait le livre et la sagesse. بَعِيدًا أَنْ أَعْيُنْ كُفَّارْ قُرَيْشِ, loin des regards des Quraychites. وَدَامَتْ هَذِهِ الْفَطْرَةُ ثَلَاثَ سَنَوَاتِ, cette période, cette étape a duré 3 ans. وَبَعْدَهَا نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ طَرَفِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَبَارَكَ. Et par la suite, l'archange Gabriel, prière et salut sur lui, est descendu portant ce message ou ce verset noble de la part de Dieu le Très-Haut. يقول الله في هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين, avertis les membres de ta famille les plus proches. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين, et baisse ton aile pour les croyants qui t'ont suivi. Ça veut dire, sois modeste et doux avec eux. أمر من الله تعالى وتبارك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج الدعوة من الدائرة السرية. Un ordre de la part de Dieu le Très-Haut envers son prophète Mohammed, prière et salut sur lui, de faire sortir l'appel vers l'islam de ce cercle secret. وأن يبدأ بأقاربه, et de commencer par ses plus proches. فَدَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يُقَارِبُ الْأَرْبَعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ الْهَاشِمِيِّينَ. Par la suite, le prophète, prière et salut sur lui, a convoqué à peu près 40 personnes de ses proches hachimiques. ثم قال لهم اللغدي الحمد لله احمده واستعينه. Je lui proclame toute ma louange et je demande et j'implore son aide et son secours. وأؤمن به, je crois en lui. وأتوكل عليه, et je m'en remets à lui. وأشهد أن لا إله إلا الله, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu. وحده لا شريك له, unique, nul ne lui est associé. إن الرائد لا يكذب أهله, le guide ne ment jamais envers sa famille. والله الذي لا إله إلا هو, par Dieu avec lequel il n'y a aucune autre divinité. إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. Je suis le messager de Dieu pour vous en particulier et pour tous les gens en général. والله لتموتن كما تنامون, par Dieu vous mourrez comme vous dormez, ولتبعثن كما تستيقظون, et vous serez ressuscité comme le fait que vous vous réveillez dans cette vie ici-bas. ولتحاسبن بما تعملون, et certainement vous serez jugé de ce que vous avez fait. وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا, et ça va être soit un paradis éternel ou un enfer éternel. في هذه الخطبة, pendant ce prêche, ce discours, أقسم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أمام أقاربه وأحبابه حتى يصدقوه. Pendant ce discours, le prophète prière et sagesse lui a juré à plusieurs reprises devant ses proches, devant ses bien-aimés, afin qu'ils croient en lui. وهو الذي لا يحتاج للقصد, lui qui n'a pas besoin de jurer, لأنه المعروف في كل مكة بالصادق الأمين, parce qu'il est le célèbre, le connu dans toute la Mecque par le fait qu'il est sincère et digne de confiance. فأخذ الكلمة عمه أبو طالب الذي كلفه بعد موتي كفله بعد موتي جده عبد المطلب. Et c'est son oncle Abu Talib qui prit la parole, cet oncle qui l'a pris en charge depuis la mort de son grand-père عبد المطلب. فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم, أبو طالب dit au prophète prière et sagesse sur lui, ما أحب إلينا من معاونتك, il n'y a pas quelque chose plus aimé à nous que ton aide, que venir à ton aide. وأقبلنا لنصيحتك, il n'y a pas quelque chose plus aimé à nous que qu'accepter ton conseil. وأشد تصديقا لحديثك, et on croit fort à ta parole. وهؤلاء بنو أبي, il s'agit là des enfants de ton grand-père. مجتمعون, ils sont tous là unis. وإنما أنا أحدهم, et je ne suis qu'un seul parmi eux. غير أني أسرعهم إلى ما تحب, seulement je suis le plus rapide à faire ce que tu aimes. فامض لما أمرت به, pars, commence ce qu'on t'a ordonné de faire. فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك, par Dieu le Très-Haut, je vais toujours te protéger et assurer ta propre sécurité. غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. Mais seulement, il y a une chose, mon âme n'aime pas ou ne veut pas me suivre pour quitter, pour abandonner la religion de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire mon père et ton grand-père. فقال أبو لهب, أبو لهب, l'autre oncle du prophète prière et sagesse lui dit, هذه والله السوء, telle est, par Dieu le Très-Haut, telle est la honte. خذوا على يديه, empêchez-le de faire ceci. قبل أن يأخذه غيركم, avant qu'il soit empêché par les autres. فقال أبو طالب Abu Talib dit, Wallahi lanamna'uhu ma baqina. Par Dieu le Très-Haut, on va le protéger tant qu'on est en vie. Amun, c'est un oncle qui l'a soutenu. Wa amun, hajama, et un oncle qui l'a attaqué. Wa marratan ukhra, jama'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, jami'a aqaribi. Une autre fois, le messager de Dieu, prière et salut sur lui, a convoqué tous ses proches cette fois-ci. Faqala lahum, il leur dit, Ya bani Ka'b ibn Lu'ay, ô descendants de Ka'b, fils de Lu'ay, anqidu anfusakum min an-nar, sauvez-vous du feu. Ya bani Murrat ibn Ka'b, ô descendants de Murrat, fils de Ka'b, anqidu anfusakum min an-nar, sauvez-vous du feu ou des flammes de l'enfer. Ya bani Abd Manaf, ô descendants de Abd Manaf, anqidu anfusakum min an-nar, sauvez-vous du feu. Ya bani Abd al-Muttalib, ô descendants, ô fils de Abd al-Muttalib, anqidu anfusakum min an-nar, sauvez-vous du feu. Ya Fatima bint Muhammad, sa propre fille, ô Fatima, fille de Muhammad, anqidi nafsaki min an-nar, sauve-toi, sauve ta propre personne des flammes de l'enfer. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Parce que je ne peux rien pour vous devant Dieu. Je ne peux pas vous défendre demain le jour de la résurrection devant Dieu. غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا. Mais en même temps, il y a entre nous un lien familial que je vais renforcer comme il faut. بِمَعْنَا أَصِلُكُمْ فِي الدُّنْيَا. Ça veut dire je vais renforcer avec vous le lien familial dans cette vie ici-bas, وَلَكِنْ لَا أَسْتَطِيعُ نَفْعَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Mais je ne peux pas vous être utile dans l'au-delà, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, unanimement authentique. وَهَذَا يُبَيِّنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي لَهُ عَائِلَةٌ غَيْرُ مُسْلِمَ. Ceci nous montre, nous indique que le musulman qui a une famille non musulmane, لَا يَقْطَعُ مَعَهُ, il ne doit pas couper avec eux, arrêter la relation avec eux. Et il doit faire tout son possible pour leur prêter les meilleurs conseils. Par la suite, l'archange Gabriel, prière et salut sur lui, est venu de la part de Dieu le Très-Haut et le Tout-Béni, bihadihi al-aya al-karima, portant ce verset coranique. فاصدع بما تومر فاجهر الآن اجهر تكلم عاليا لا تتكلم خفية أو في السر فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين annonce à haute voix ce qui t'est ordonné et tourne le dos aux associateurs. إنا كفيناك المستهزئين, nous t'avons efficacement défendu des moqueurs. الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. Ceux qui associent à Dieu une autre divinité, ils vont bientôt savoir. أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة لكل أهل مكة. Il s'agit là d'un deuxième ordre de la part de Dieu le Très-Haut à son prophète Mohammed, prière et salut sur lui, de parler, d'annoncer à haute voix l'invitation à Dieu, l'appel à Dieu pour tous les gens de la Mecque. C'est plus seulement ses proches. Min ghayri khawfin min al-mushrikin, sans aucune crainte des associateurs. Wa fi nafsi al-waqt yukhbiruhu Allah bi annahu sayuwajihu anwa'an min al-istihza'i was-sukhriya. Mais en même temps, Dieu l'avertit, Dieu l'informe qu'il va rencontrer plusieurs formes de moquerie. ويطمئنه بأن الله تعالى سيتكلف بالمستهزئين. Et il le rassure comme quoi Dieu va prendre en charge lui-même le compte des moqueurs. في الحاضر والمستقبل, ça veut dire dans le présent et dans le futur. كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي أو بعد ممات النبي وإلى يوم القيامة, toute personne qui se moque du prophète, prière et sajoui, pendant sa vie, ou après la mort du prophète, prière et sajoui. Et ceci est valable jusqu'au jour de la résurrection. C'est Dieu qui va le prendre en charge. C'est Dieu qui va se venger de lui. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons bien défendu des persifleurs ou bien des moqueurs. Idha ra'aita ahadan yastahzi'u bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vois un jour quelqu'un qui se moque du prophète prière et sajoui, fanzur 'aqibatahu kayfa satakun. Regarde mon frère ou ma sœur, sa fin comment sera-t-elle? لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. Parce que Dieu honore toujours ses promesses. وَهَذَا مَا سَنَرَى فِي الْحِصَّةِ الْقَادِمَةِ. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine séance. لَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذِهِ الْآيَةِ. Lorsque le messager de Dieu, prière et sajour lui, a entendu ce verset coranique, صَعَدَ عَلَى الصَّفَى جَبَلَ الصَّفَى بِجَنِبِ الْكَعْبَةِ. Il monta sur la montagne ou le mont de Safa, qui est juste à côté de la Kaaba, pour être très haut par rapport à ceux qui vont l'entendre. Il a commencé à appeler. Ya Bani Fihr, ô descendant de Fihr. Ya Bani Adi, ô descendant de Adi. Ya Bani Abdi Manaf, ô descendant de Abdu Manaf. Ya Bani Abdil Muttalib, ô descendant de Abdul Muttalib. فأسرع الناس إليه. Les gens se sont hâtés vers lui. فقال صلى الله عليه وسلم. Il dit prière et salut sur lui. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي وراء هذا الجبل بالوادي تريد أن تغير عليكم تريد أن تهجم عليكم أكنتم مصدقين؟ أستصدقونني في هذا الكلام؟ Si je vous informe qu'il y a des chevaux dans la vallée, ça veut dire derrière cette montagne, que moi je vois parce que je suis très haut et vous, vous n'arrivez pas à voir. Je vous dis, si je vous informe qu'il y a des chevaux, bien des chevaliers, des guerriers qui viennent vers vous pour vous attaquer, allez-vous me croire? Qanouna, tous ils ont dit oui. Ma jarrabna alayka kadiban. Jamais nous avons décelé dans tes paroles du mensonge. فقال صلى الله عليه وسلم il dit prière et salut sur lui فإني نذير لكم je suis un avertisseur pour vous tous بين يدي عذاب شديد annonçant un supplice douloureux. فقال أبو لهب عمو et أبو لهب son oncle lui dit تبا لك سائر هذا اليوم malédiction perte à toi pendant toute cette journée ألي هذا جمعتنا c'est pour ceci que tu nous as réunis. فنزل مرة أخرى جبريل عليه السلام بهذه الآية. Une deuxième fois, l'archange Gabriel, prière et salut sur lui, est descendu rapidement avec ce verset coranique. يقول الله, Dieu dit dans ce verset, بسم الله الرحمن الرحيم, au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, تبت يدا أبي لهب وتب. Maudites soient les mains de Abu Lahab et maudit soit-il. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. Son argent et tout ce qu'il possède ne lui seront pas utiles. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. Il retira à un feu plein de flammes. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Unanimement authentique. هُنَا أَقُومُ بِمُلَاحَظَةٍ. Là, je formule une remarque. هَذِهِ الصُّورَ الْقَصِيرَةَ. Ce chapitre très court. حَمَلَتْ خبرا متعلقا بالمستقبل. بالمستقبل. Ce chapitre court nous a donné une information concernant l'avenir, concernant le futur. فهي تبين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ce court chapitre montre ou prouve la prophétie de Muhammad prière et sajoui. لأنها أخبرت منذ بداية الإسلام أن أبا لهب سيدخل جهنم. Parce que ce chapitre nous a informé depuis le début de l'islam, depuis le premier jour de l'islam, comme quoi Abu Lahab, l'oncle du prophète, va rôtir dans le feu de l'enfer. وفعلا قضى أبو لهب حياته كلها عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. Bien sûr, Abu Lahab a passé toute sa vie comme ennemi du prophète, prière et sa souris. Lam yatub wa lam yuslim. Il ne s'est pas repenti et il ne s'est pas converti à l'islam hatta al-maut ba'da 10 sinin, jusqu'à sa mort après une dizaine d'années. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن عمه سيعيش وسيموت مشركا ويدخل جهنم. Qui a donc informé Mohammed, prière et saint sur lui, comme quoi son oncle va mourir ou va vivre et va mourir en tant qu'associateur et va entrer par la suite à l'enfer. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, il n'y a aucune divinité à part Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Wa ba'da ayat fasda' bima tumar, après ce verset de annonce à haute voix ce qui t'est ordonné, bada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yad'u lil-islam kull an-nas fi Makkah. Le prophète prière et sage, après ce verset, il a commencé à appeler à l'islam, à inviter à l'islam tous les gens de la Mecque, et non pas seulement ses proches. Da'ahu sirran wa jihara. Il les a appelés d'une façon discrète, secrète et d'une façon publique, à basse voix et à haute voix. Laylan wa naharan, jour et nuit. Abidan wa ahraran, esclaves ou bien libres. Kibaran wa sighara, adultes, vieux, vieillards ou bien jeunes. وَبَدَا يُصَلِّي بِجَانِبِ الْكَعْبَةِ, et il a commencé à faire sa prière publiquement à côté de la Kaaba, ce qu'il ne faisait pas auparavant. وَيَقْرَأْ آيَاتَ الْقُرْآنِ, et il récitait les versets coraniques à côté de la Kaaba, بِكُلِّ شَجَاعَ أَمَامَ أَعْيُنِ الْمُشْرِكِينَ, il récitait le Coran avec tout le courage devant les regards des associateurs. وبعد مدة يقول له ربه في آية قرآنية, après un certain délai, après une certaine période, son Seigneur lui dit dans un verset coranique, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون, nous ne t'avons envoyé qu'à l'humanité tout entière comme porteur de bonnes nouvelles et comme avertisseur, mais la plupart des gens ne savent point. بهذه الآية صار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا للعالم جميعا. Grâce à ce verset, notre prophète Mohammed, prière et saint sur lui, est devenu un messager pour le monde entier. يحمل رسالة عالمية, il est devenu porteur d'un message universel. وليس لأهل مكة فقط, et non pas uniquement pour les habitants de la Mecque. وبعد بضعة قرون وصل الإسلام إلى العالم أجمع, après quelques siècles l'islam est arrivé au monde entier. وأصبح عدد المسلمين الآن مليار ونصف, et le nombre des musulmans a atteint aujourd'hui 1,5 milliard à peu près. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ô notre Seigneur, accorde tes prières, tes salutations, tes bénédictions à notre maître Mohammed, prière et saint sur lui. ولك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, et que la louange entière soit à toi. أنك جعلتنا مسلمين, parce que tu as fait de nous des gens musulmans. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, أحب أن أقف وقفة مع الدعوة إلى الله. J'aime marquer un arrêt avec l'appel à Dieu ou l'invitation à Dieu. وأبدأ بهذا السؤال, et je commence par cette question. ما هو أجر الذي يدعو إلى الله؟ رجلا كان أو امرأة. Quel est le salaire de celui qui appelle les gens à Dieu, soit homme, soit qu'il soit un homme ou bien une femme? قال تعالى, Dieu dit, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui a donc a meilleur parlé que celui qui a appelé à Dieu qui a agi dans le bien et qui a dit je fais partie des musulmans. Yaqul Allah, Dieu dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui a donc à meilleur parler que celui qui a appelé à Dieu, qui a agi dans le bien et qui a dit je fais partie des musulmans. فهذه الآية تبين أن أحسن الكلام وأحبه إلى الله هو الدعوة إلى الله. Ce verset montre à nous tous que les meilleures paroles et les plus aimées par Dieu subhanahu wa ta'ala sont celles qui sont prononcées lors de l'appel à Dieu. Al-maqruna bil a'mal as-salihah, et qui sont accompagnées par des œuvres vertueuses. Fa'idha kana hadha ahsanu shay'in fi dunya, si ces paroles sont la meilleure chose qui existe dans cette terre, dans cette vie ici-bas, bimana sayakun lahu akbar ajr fi al-akhirah. Ceci signifie que ces paroles auront, ou celui qui a prononcé ces paroles aura le meilleur salaire dans l'au-delà. وهل هناك في الدنيا, et y a-t-il quelque chose meilleur dans cette vie ici-bas? هل هناك في الدنيا افضل من رجل او امراه احب الله تعالى وتبارك. Y a-t-il dans cette vie ici-bas meilleur qu'un homme, quelque chose meilleur qu'un homme ou une femme qui aura aimé Dieu le Très-Haut? حبا جعله يهب حياته للدعوة إلى الله وعمل الخير, qui a aimé Dieu, un amour qui l'a poussé à offrir sa vie ou à consacrer sa vie à l'appel à Dieu et aux bonnes œuvres. الناس تفكر في الدنيا, les gens pensent beaucoup à la vie ici-bas. تفكر في ملذات الدنيا, les gens pensent au plaisir de cette vie ici-bas. تفكر في شهوات الدنيا, les gens pensent au désir de cette vie ici-bas. وهو لذته في القرب من الله, et lui, cet appeleur vers Dieu, trouve son maximum de plaisir dans la proximité de Dieu, في ذكر الله, dans l'évocation de Dieu, في البكاء أمام الله, dans les pleurs devant Dieu, في الدعوة إلى الله, il trouve son plaisir dans l'appel à Dieu, في حب الخير لكل الناس, dans l'amour du bien pour tous les gens. من كان هكذا, celui qui se comporte ainsi, فهو يمشي على أثر الرسل والأنبياء, il est en train de marcher sur les traces et les pas des messagers et des prophètes. هو من النخبة المفلحة, certainement il est de l'élite gagnante. قال الله تعالى, Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, وَلْتَكُمْ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, نخبة, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Qu'une nation à partir de vous appelle au bien, ordonne les bons usages et proscrit les mauvais, ceux-là sont les récolteurs du succès, ça veut dire dans ce bas monde et dans l'au-delà. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut lui dit, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. Celui qui indique aux gens un bien, il aura le même salaire que celui qui va le faire. Rawahu l'imam muslim wa at-tirmidhi wa Abu Dawud, rapporté par l'imam muslim, at-tirmidhi et Abu Dawud. Par exemple, si tu indiques à quelqu'un de jeûner un jour de sunnah, tu auras le même salaire que lui lorsqu'il va jeûner ce jour. Maintenant, tu dhakir insan bi'an yasuma yawman sunnah ka yawm ashura aw ghayr dhalik, تأخذ نفس الأجر, أنت فقط دللته على الخير, ولكن الله يعطيك نفس الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم, il a dit prière et salut sur lui, إن الله وملائكته, Dieu et ses anges, وأهل السماوات والأرض, et les gens des cieux et de la terre. حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا, même la fourmi dans sa fourmilière. وَحَتَّى الْحُوتِ, يعني في البحر. لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ, et même les poissons, tout ce monde-là prie sur celui qui enseigne le bien aux gens. رواه الترمذي وقال حديث حسن, rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui l'a qualifié de bon et authentique. قال عنه حديث حسن صحيح ورواه الإمام البزار, et a été rapporté aussi par l'imam al-Bazzar. تخيل أخي أختي, imagine avec moi frère ou sœur, Allah Ta'ala wa Tabarak, Dieu le très haut et le tout béni, وملايير الملائكة, et des milliards d'anges, وملايير النمل, et des milliards de fourmis, وملايير الحوت, et des milliards de poissons, يصلون عليه, qui sont tous en train de prier en ta faveur. Parce que tu accomplis la meilleure chose dans cette vie ici-bas. Tu enseignes le bien aux gens. Tu les appelles à Dieu. Et en contrepartie, اسمعوا ما يقول المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم للذي لا يحب أن يعلم الآخرين ما يعلم. Écoutez ce que promet, ce que dit le premier maître, le premier enseignant de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à celui qui n'aime pas enseigner aux autres de ce qu'il sait. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, il dit prière et salut sur lui. Ma min rajulin, yahfadu ilman, yani min amri din, quiconque a appris une science ou un savoir, c'est-à-dire parmi les savoirs ou les sciences religieuses, fayaktumu, et il le cache, c'est-à-dire il ne l'enseigne pas, il le garde pour lui. Illa ata yawm al-qiyamah maljouman bilijabin min nar. Sans venir le jour de la résurrection, embouché par un mort, par un frein de flamme ou de feu. Rawah al-imam ibn Majah, rapporté par l'imam Ibn Majah, wa rawa qariban minhu al-imam Tirmidhi wa Abu Dawud wa Ibn Hibban wa al-Bayhaqi wa al-Hakim wa qala ala sahih ala shart as-sahihayn. Tous ces imams Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Hibban, al-Bayhaqi, al-Hakim ont rapporté des paroles plus proches de celles-ci. Ma min rajuli yahfadu ilman, il n'y a pas un homme, ça veut dire une femme, qui apprend une science ou un savoir islamique, fayaktumuhu illa ata yawm al-qiyamah maljuman bilijamin min nar, celui-ci, s'il cache cette science, il viendra le jour de la résurrection embouché par un mort ou bien par un frein de feu. Fal-islam yadfa'uka kay tu'allima ma tata'allam, l'islam te pousse, t'exhorte à enseigner aux autres ce que tu as appris. أن لا تكون بخيلا, l'islam t'exhorte à ne pas être avare. تأخذ من هنا, tu prends par là, c'est-à-dire al-udun wal-ayn, tu apprends grâce à l'œil et à l'oreille. وتعطي من هنا من الفم, et tu donnes par là, c'est-à-dire la bouche. ولو كان ذلك شيئا قليلا من العلم, et même s'il s'agit d'un petit peu de savoir, أن تعلم الناس حديثا فهمته أو آية فهمتها, même le fait d'apprendre aux autres un seul verset que tu auras compris ou un seul hadith que tu auras appris. وليس بالضرورة أن تقف أمام العشرات أو المئات لتتكلم, et ce n'est pas nécessaire que tu t'arrêtes devant des dizaines ou des centaines pour parler. بل لو بلغ واحدا أو اثنين فقد قام بالواجب. S'il aura appris cette science à une personne ou à deux, il aura accompli son devoir. وأحب الآن أن أذكر بعض الآداب أو بعض القواعد في الدعوة إلى الله. Et à la fin, j'aimerais vous rappeler quelques règles élémentaires dans l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala ou l'invitation à Dieu subhanahu wa ta'ala. أولا, تعلم العلوم الدينية. Premièrement, apprendre les sciences et les savoirs religieux. ففاقد الشيء لا يعطي. Celui qui ne possède pas ne peut pas offrir. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas l'offrir. تعلم كي تعلم. Apprends afin que tu enseignes. وتعلم كي تعبد الله بعلم. Et apprends afin que tu adores Dieu selon le savoir et selon la science et non pas selon l'ignorance que Dieu déteste. وتعلم كي تدعو إلى الله بعلم. Et apprends afin que tu appelles à Dieu selon la science. التعلم عبادة. L'apprentissage est une adoration. والتعليم عبادة. Et l'enseignement est une adoration. والتعلم عبادة واجبة. Et l'apprentissage est une adoration obligatoire. قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sage sur lui dit: طلب العلم فريضة على كل مسلم. La quête du savoir est une obligation pour tout musulman. Ça veut dire ou musulman, yani muslim ou muslima. رواه الإمام ابن ماجه. Rapporté par l'imam ibn Majah. وقال صلى الله عليه وسلم. Il a dit prière et sage sur lui. من سلك طريقا يلتمس فيه علما. Celui qui emprunte un chemin pour acquérir une science ou un savoir, سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Grâce à ce chemin de science, Dieu va lui faciliter un chemin vers le paradis. متفق عليه. Unanimement authentique. طريق العلم في الإسلام يساوي طريق للجنة. Le chemin vers la science en islam est égal à un chemin vers le paradis. ثانيا, deuxièmement, العمل حسب ما تعلم. Agir, œuvrer selon ce que tu sais, selon ta science, selon ton savoir. قبل دعوة الناس إلى علمك. Avant d'appeler les gens vers ton savoir ou ta science. اعمل أنت أولا بعلمك. Toi d'abord mon frère ou ma sœur, tu dois agir selon ta science ou ton savoir. ويبارك الله في كلامك. Et par la suite Dieu va bénir tes paroles. كن صاحب خلق كريم. Tu dois avoir un comportement noble. نور عملك وعبادتك في وحدتك. La lumière de ton œuvre, de ton adoration, dans ta solitude, هو الذي يضيء ويزين عملك وكلامك أمام الناس. C'est cette lumière de ton adoration lorsque tu es seul qui va éclairer, qui va embellir ton œuvre ou tes paroles devant les autres. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. وقال صلى الله عليه وسلم. Et le prophète prière et sage lui dit, مررت ليلة أسري بي. Pendant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, je suis passé à côté de gens, مررت بأقوام تقرض شفاههم بمقاريد من النار. Je suis passé à côté de gens dont les lèvres étaient en train d'être rongées par des instruments de feu. قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلِ. J'ai dit, qui sont-ils, ô Gabriel? قال, il a répondu, خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Ces gens-là sont les khatibs de ta nation, les prêcheurs dans ta nation qui disaient ce qu'ils ne faisaient pas. Muttafaqun alayh. Unanimement authentique. Thalithan, troisièmement, al-ikhlas fi da'wati ila Allah. La sincérité dans l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala. An la turida illa mardata Allah wal jannata bi'amali. C'est le fait de ne chercher par tes œuvres, par ton appel à Dieu, que la satisfaction de Dieu et le paradis. La turidu malan, tu ne cherches pas l'argent. La turidu jahan, tu ne cherches pas le pouvoir. La turidu shuhratan, tu ne cherches pas la célébrité. La turidu shukran, tu ne cherches pas des remerciements. La turidu ayya shay'in min amalik illa wajh Allah. Tu ne veux rien de ton appel, de ton œuvre, à part la face de Dieu. In kana fi amalik, in kana fi da'watik, 99 lillah. S'il y a dans ton œuvre, s'il y a dans ton appel ou invitation aux autres, 99% pour Dieu. وَوَاحِدٌ فِي الْمِئَةِ فَقَطْ لِمَصَالِحِكَ الشَّخْصِيَةِ Et s'il y a dans ton œuvre uniquement 1% pour tes intérêts personnels, رَفَضَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلَّ عَمَلِكَ Dieu, le jour de la résurrection, va refuser en bloc toutes tes œuvres. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Le prophète prière et sage lui dit, عَنْ هَذَا النَّوَعَ à propos de ce type de gens, الَّذِي يَتَعَلَّمُ وَيُعَلِّمُ Ce type de gens qui apprend la science, qui devient savant, et par la suite il enseigne aux autres, Dieu va lui dire le jour de la résurrection, tu as menti, mais tu as appris pour qu'on dise de toi savant, qui connaît tout. Et tu as récité le Coran, pour qu'on dise de toi tu es un bon et un excellent récitateur. Faqad qil. Et on a dit ceci dans la vie ici-bas. Les gens t'ont remercié. Tu as eu ton salaire chez les gens. Ça veut dire que tu n'as aucun salaire auprès de moi. Thumma umira bihi. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Et après, tu as donné ses ordres aux anges qui l'ont traîné sur son visage jusqu'au point de le jeter dans les flammes de feu. رواه الإمام مسلم وغيره rapporté par l'imam مسلم et par d'autres. نسأل الله الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا. On demande à Dieu de nous accorder la sincérité dans nos faire et nos dire. أخي أختي frère sœur. لا يصل الإنسان إلى الإخلاص إلا بمجاهدة ضد نفسه. Personne ne peut atteindre le degré de la sincérité qu'après une grande lutte contre son ego et sa propre personne. Il bidumu'in fil wahda ma Allah, qu'avec des larmes, lorsqu'il est seul, personne ne le voit, des larmes devant Dieu. Du'a'in khashi'in bayna yadayillah, qu'avec une prière dans laquelle il y a le grand recueillement entre les mains de Dieu. وَخُضُوعٍ أَمَامَهُ et une humilité devant lui. رَابِعًا التَّدَرُّجْ فِي الدَّعْوَ إِلَى اللَّهِ Quatrièmement, la progressivité dans l'appel à Dieu. يَبْدَأُ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ L'individu doit commencer par lui-même. ثُمَّ عَائِلَتِهِ et par la suite sa famille. زَوْجَتَهُ sa femme. زَوْجَهَا son mari. الْأَوْلَادُ les enfants. ثم أصدقاءه et par la suite ses amis إلى آخره etc. كما طلب الله من محمد صلى الله عليه وسلم exactement comme Dieu a demandé à Mohammed prière et sanctuary عشيرته الأقربين les membres de sa famille les plus proches ثم سكان مكة et après les habitants de la Mecque ثم البشرية جمعاء et par la suite l'humanité entière. خامسا cinquièmement الدعوة باللين والحكمة L'appel, mais avec la douceur et la sagesse. Appeler les autres à Dieu, mais avec la grande douceur et la grande sagesse. سواءٌ مع أفراد العائلة. Soit avec les membres de sa famille. أو غيرهم. Ou avec les autres. وحتى مع العصاة. Et même avec les désobéissants, avec les pécheurs. لا نريد الشدة. On ne veut pas la dureté. لا نريد العنف. On ne veut pas la violence. La nuridu al-ijbar. On ne veut pas la contrainte. Man yad'u li nafsihi aw bi jahl yasta'milu ash-shiddata wal-'unf. Celui qui appelle les gens à soi-même ou appelle les gens avec une grande ignorance parce qu'il n'a pas compris l'islam, il va utiliser la dureté et la violence dans son appel. Wa man yad'u ila Allah bi'ilm yasta'milu al-lin wal-lutf. Celui qui appelle à Dieu avec science, il va utiliser la tendresse et la douceur. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم Dieu le Très-Haut a dit à son prophète Mohammed, prière et salut sur lui, « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. » Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne parole et dispute avec eux de la façon la plus douce. تتكلم باللطف مع أولادك وبناتك. Tu parles avec douceur avec tes enfants. تتكلم باللطف مع العاصي. Tu parles avec la grande douceur avec le pécheur et le désobéissant. تتكلم باللطف مع الجاهل. Tu parles selon ou par douceur avec l'ignorant. مع غير المسلم تتكلم باللطف avec le non-musulman. Tu parles dont on appelle avec douceur, il a akhiré, etc. Hakada arad Allah. Ainsi Dieu a voulu. Sixièmement, ad-da'watul muntaliqatu min al-hubb wa al-rahmah. L'appel, l'invitation basée sur l'amour et la miséricorde. Qala ta'ala li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu le Très-Haut dit à Muhammad, prière et salut sur lui, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde aux univers. Lamma tara mudniban. Lorsque un jour tu vas voir un pécheur, la tal'anhu. Ne le maudis pas. Ne dis pas malédiction, la malédiction de Dieu sur lui. La tal'anhu, bal is'alillah an yarhamah. Mais demande à Dieu de lui accorder sa miséricorde. Is'allahu ar-rahmah wa laysa al-la'na. Demande pour lui de la part de Dieu la clémence et non pas la malédiction. Lamma tara 'asiyan mudniban. Le jour où tu vas remarquer, tu vas voir dans ton chemin un pécheur désobéissant, la takrahu, ne le déteste pas, bel irhamhu, plutôt aie pitié pour lui. Ikrah amala, ikrah il ma'asiyya, déteste son action, déteste la désobéissance qu'il est en train de faire. Wa la takrah shahsahu, mais ne déteste pas sa personne. Irham shahsahu, aie pitié pour sa personne. لو بقي هكذا من غير توبة حتى الموت. S'il reste ainsi sans repentir jusqu'à la mort, فسيدخل جهنم. Il va entrer dans l'enfer. والأصل أنك لا تريد له جهنم. Et en principe, tu ne veux pas pour lui la géhenne ou bien l'enfer. سواء كان هذا المذنب أخا لك في الإسلام. Soit que ce pécheur soit un frère pour toi en islam, أم أخا لك في البشرية. Ou bien un frère pour toi dans l'humanité, c'est-à-dire un non-musulman. لن تكون داعيا حقيقة. Tu ne seras pas quelqu'un qui fait l'appel à Dieu d'une façon véridique حتى تكون رحيما محبا للآخرين. Que le jour où tu sois clément, miséricordieux, quelqu'un qui aime les autres. حاول أن ينقذ الله المذنبين على يديك. Essaie que Dieu sauve grâce à toi les pécheurs. Yani, أذكر لكم هذه القصة. Je vous raconte cette petite histoire. مرة كان الإمام مالك ابن دينار رضي الله عنه خارجا من صلاة العشاء إلى بيته. Une fois l'imam Malik, fils de Dinar, qui sortait de la mosquée, allait pour dormir chez lui. وفي الطريق رأى إنسانا سكرانا. Et dans le chemin du retour, il a repéré un homme ivre. وَالْخَمْرُ يَتَضَفَّقُ مِنْ فَمِهِ. Le vin qui sortait un peu de sa bouche. وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et cette personne ivre répétait لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. فَاقْتَرَبَ مِنْهُ الْإِمَامُ. L'imam s'approcha de lui. وَأَخَذَ مِنْ دِيلَهُ. Et il a pris son mouchoir. ومسح الخمر من فمه. Il a essuyé le vin qui sortait de sa bouche et qui était sur ses lèvres. وقال حتى لا تختلط الخمر بكلمة لا إله إلا الله. Ainsi le vin ne va pas salir ou polluer cette phrase لا إله إلا الله. وذهب في طريقه رحمه. Il avait pitié pour lui. وذهب في طريقه ونام. Et lorsqu'il a dormi, أتاه آت في المنام. Il a vu quelqu'un dans le songe lui dire يا مالك او مالك طهرت قلبه طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. Ô Malek, tu as purifié sa bouche pour nous et nous avons purifié son cœur pour toi. فذهب الإمام في صلاة الفجر. L'imam est parti pendant la prière ou pour faire la prière de l'Fajr. فوجد ذلك السكران في المسجد يصلي. Il a trouvé libre d'hier en train de faire la prière dans la mosquée. Il s'est repenti à Dieu subhanahu wa ta'ala. سابعاً وأخيراً, septièmement et dernièrement, نتائج الدعوة بيد الله. Les fruits ou bien les résultats de l'appel à Dieu se trouvent entre les mains de Dieu. وليس بيدك. Et non pas en tes mains. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ. Le messager n'est tenu que de transmettre en toute clarté. دور هو الدعوة فقط. Ton rôle, c'est l'appel à Dieu uniquement. أَمَّا نَتِيجَةُ دَعْوَتِكَ وَثَمَرَتُهَا فَبِيَدِ اللَّهِ. Mais le résultat de ton appel, de ton œuvre, le fruit de ton œuvre, se trouve entre les mains de Dieu. فَهُوَ الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ. C'est lui le faiseur de ce qu'il veut. هِدَايَةُ النَّاسِ لَيْسَتْ مِنْ دَوْرِكَ لَيْسَتْ مِنْ وَاجِبِكَ. Guider les gens n'est pas de ton sort, n'est pas ton devoir, n'est pas ton rôle. وَلَكِنْ دَعْوَةَ النَّاسِ مِنْ دَوْرِكَ وَاجِبِكَ. Mais l'appel des gens fait partie de ton rôle et de ton devoir. جَعْلُ النَّاسِ مُسْلِمِينَ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ لَيْسَ مِنْ حَقِّكَ. Rendre tous les musulmans, toute l'humanité musulmane, même avec le biais de la force, n'est pas ton droit, n'est pas ton rôle. لَيْسَ مِنْ حَقِّكَ. أَنْتَ تَدْعُو. Toi tu appelles. وَلَسْتَ تَهْدِي. Mais tu ne guides pas. لا تهدي حتى أحب الناس إليك. Tu es incapable de guider vers l'islam même les gens les plus aimés à toi. قال تعالى, Dieu le très haut dit, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Tu ne mets pas sur la bonne voie qui tu aimes, mais Dieu y met qui il veut et il sait mieux que tous ceux qui sont sur la bonne voie. إذا فهمت هذا, si tu as compris ceci, فلن تستعمل القوة ولا التهديد ولا الإجبار عند دعوة الناس إلى الله. Si tu as compris ceci, tu ne vas pas utiliser ni les menaces, ni la force, ni la contrainte ou la violence lors de l'appel des gens à Dieu. أخي, أختي, frère, sœur, كانت هذه الآداب هي السر في نجاح دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. Ces règles ont constitué la base et le secret du succès de l'appel de Mohammed, prière et sa de le succès du message de Mohammed, prière et sa journée. Plus tu respectes ces règles, plus tu auras le succès dans ton appel. Et plus tu ne respectes pas ces règles, plus tu vas échouer. ونسأل الله التوفيق. Et on demande à Dieu son aide. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, كما أدخلتنا في هذه الساعة أتيت بنا من بيوتنا وأدخلتنا في هذه الساعة إلى بيتك, فأدخلنا بكرمك ومنك وجودك غدا يوم القيامة إلى بيتك الجنة. اللهم كما جمعتنا في هذه الساعة حول سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اجمعنا حول شخصه غدا يوم القيامة بجانب الحوض, واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما جعلتنا نستمع لسيرة النبي